Bonjour. Bon, j'ai fait une petite recherche. Puis, bon, c'est un petit peu comme l'affaire, là, qui parlait de que Justin Trudeau serait un trafiquant de drogue, alors que, d'une certaine façon, c'est des choses qui sont mises de l'avant, possiblement pour plus tard discréditer par rapport à, comme, tu sais, les fact-checkers, là, les fameux fact-checkers. Il y en a un, là, qui s'est fait replacer la tronche droite chez Berkoff, là, Durand. La tronche en biais, là. Ça, c'était le fun, hein? Je veux dire, bon, quelle prestation terrifiante pour lui. Mais bon, j'aimerais parler d'un homme d'origine indienne, un académicien. J'ai un petit peu de difficulté avec les noms indiens. Donc, je l'ai noté. Donc, c'était un homme qui s'appelle Mulayil Narayana Menon Vijayan. Ça va être un peu une vidéo dédicace par rapport à l'oiseau moqueur. C'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce monsieur-là? Je vais le renommer là. Mulayil Narayana Menon Vijayan. C'est un académicien indien, un auteur, un érudit, qui était, si on peut dire, d'une certaine façon, quelqu'un d'important dans son pays au niveau du culturel. C'est quelqu'un qui, puis qui était assez connu aussi, notamment sur Internet, là. Mais c'est le monsieur que dans les vidéos, le monsieur d'origine indienne, je me doutais là, par son physique que c'était un monsieur d'origine indienne aussi, un petit peu le décor. On sent un petit peu des fois dans quel pays on est quand on regarde des images. C'est le monsieur qui il vient les yeux. C'est lui, là. Le monsieur indien qui vient pas les yeux révulsés, mais il vient les yeux avec les iris tournés vers l'intérieur par en haut. Et on dirait qu'il fait un ACV. Mais ça est arrivé à la télévision indienne. Cet homme-là est mort en direct à la télévision indienne. Le problème, c'est que ça s'est passé en 2007. Puis c'est une crise cardiaque, semble-t-il. Pendant le procès, à un moment donné, monsieur Mulayil Narayana Menon Vijayan, il prend une gorgée d'eau, puis finalement, il fait une crise cardiaque, puis bon. Donc, c'est pas un traitement ARN ou un ACV, puis c'est pas récent. Pourquoi je reviens là-dessus? Ben, c'est parce que, mettons, l'oiseau moqueur qui aurait, je sais pas moi, mettons, là, 30 000 abonnés, puis là, les fact-checkers se mettent sur son dos. Ben là, ils vont l'accuser de sortir des choses de son contexte pour désinformer. On a affaire à des gens intellectuellement malhonnêtes. C'est pour ça que je parle de la tronche en biais là, qui s'est fait replacer chez Berkoff. Sud Radio, c'était très bien parce que il va falloir que ça arrive, ça aussi. Le problème, c'est que par rapport au milieu, je parle juste de l'oiseau moqueur et pas dans ces milieux-là tant que ça, là, mais par rapport au supramental, on a eu des problèmes il y a longtemps déjà avec les fact-checkers. Quand Jean-René Dufort était président des sceptiques du Québec, qu'eux autres, dans leur forum, ils diagnostiquaient Bernard de Montréal comme un schizophrène, alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré, qu'ils ne l'ont pas évalué. Bon, d'être sceptique, il y a une différence entre être très sceptique et être malhonnête, puis les sceptiques du Québec, des fois, ils étaient malhonnêtes, je trouve. Mais là, comme Jean-René Dufort, tu sais, comme président, lui, je l'ai tout le temps trouvé considéré comme un comique, mais pas au sens où lui le pense. Mais oui, je le considère comme un comique. Avec ses grandes expériences scientifiques, c'est un chimiste de formation, puis il fait sentir de la merde à des gens à la télévision, puis il filme ça, puis c'est donc comique. Ouais. Hein, ça se prétend des scientifiques, puis possiblement que des fois, ben, ça se réunit avec des accoutrements qui n'ont rien de scientifique, hein, des tabliers, des petits gants, et ainsi de suite. Parce que c'est quelqu'un dont le nom ressort souvent sur certaines listes là, auxquelles j'ai eu accès à un moment donné. Donc, monsieur Mulayil Narayana Menon Vijayan, il n'est pas mort d'un ACV, là. C'est une crise cardiaque qu'il y a eu en direct à la télévision en 2007. Donc, c'est triste. C'est les joies du direct. Hein. Mais d'un autre côté, bon, les fact-checkers, eux autres, ils regarderaient ça. Juste ça. Pourquoi? Pour camoufler tout le reste, que ça, c'est réel. Comme, bon, les sportifs qui sont morts en direct, là, carrément, là, paf, là, d'un coup. Ou l'humoriste, là, la Canadienne, là, qui disait: Ah, oh, ben, j'ai eu mon traitement, puis imaginez-vous quoi, j'ai encore mes règles. Puis finalement, elle avait fait un ACV, puis elle s'était carrément fendu le crâne sur la scène là, pendant son stand-up comique. C'est la partie la plus comique de ce stand-up. Donc, bon, c'est pour ça de faire attention. Et ça va prendre une certaine rigueur si certaines choses prennent de l'ampleur. Comme l'oiseau manqueur, si à un moment donné, il y a 20 000 abonnés, ben. Là, il va être dans la mire, là. C'est pour ça que c'est mieux de pas avoir trop d'abonnés, puis de pas chercher trop l'exposition, ni la popularité, ni... bon, c'est jamais bon signe, de toute façon, là, les personnalités qui veulent à tout prix être célèbres, là, au point d'aller, par exemple, tourner une arnaque en Autriche, hein? Comme une dame qu'on connaît qui... Un petit peu comme le petit Jérémy qui voulait faire carrière dans la chanson, mais qui n'a pas nécessairement ce qu'il faut. Bon, c'est jamais bon signe, ça. Donc, bon, la culture indienne, c'est pas celle que je connais le plus. Pour ça, je suis un petit peu surpris parce que l'oiseau moqueur, il a l'air d'avoir un certain attrait pour la culture de l'Inde. Bon, oui, c'est sûr que c'est intéressant. Hein? Il y a à boire et à manger, il y en a du stock. Hein? Des vieilles places, comme ils disent dans les voisins sur la scène, là, ben, par rapport à la scène, ben, le Gange, là, c'est de la vieille eau pas mal, c'est de la vieille eau pas mal, puis bon. Mais de faire attention, parce qu'imagine des gens malhonnêtes intellectuellement, comme les sceptiques du Québec ou les fact-checkers. C'est pour ça que être créatif intuitivement, oui, mais au niveau du matériel, des fois, faut vérifier, puis vérifier, puis vérifier, puis vérifier. Tout le temps. Puis je suis porté à faire ça. Vérifier. Puis... Ça, c'est la joie de ne pas croire, de croire en rien. De prendre jamais rien pour du cash. Donc, attention. Attention, parce que c'est vraiment un homme qui est mort d'une crise cardiaque en 2007. Vraiment, c'est tout vérifié, là. Tu peux aller voir. Puis, ouais, ça pourrait être nuisible, là. Parce que, comme je te dis, des gens de mauvaise foi, ils vont te prêter des intentions que tu n'as pas en disant que tu désinformes. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça. Donc, bon, je vais mettre comme... je vais incruster comme image... une photographie de ce monsieur-là, cet académicien-là. Un érudit indien. Je me doutais que c'était pas un Pakistanais, autre chose, juste par sa coiffure. On sent l'Inde, hein, ça sent jusqu'ici, là. Donc, bon, ben, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.